il est 18h, vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% Union. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union, c'est le lundi de 18h à 19h. Soleil toute la journée et on a eu un week-end ensoleillé pour nos matchs du week-end. Donc là aujourd'hui je suis en compagnie de Yousra avec qui on va faire un retour sur les matchs du week-end. Donc on commence par samedi matin. Yousra, on t'écoute. Oui, donc premier match du week-end pour les trois équipes U9 qui avaient un plateau à la SPTT. Donc la première équipe a fait 3 victoires et 1 nul. Et pour la deuxième équipe, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. On va écouter d'ailleurs donc les commentaires de la coach Nassira. Donc c'était la reprise pour nos petits U9 qui n'avaient pas fait de match depuis un petit moment, depuis le mois de décembre. Bonjour, je suis en compagnie de Nassira, coach. Reprise après 2 mois d'arrêt pour les U9. Qu'avez-vous pensé de ce match aujourd'hui, Nassira? Alors, bonjour. Tout d'abord, c'était après 2 mois d'arrêt, c'est vrai que ça a été, pour certains enfants, c'était compliqué. Ils avaient oublié cette pression qu'on a en match, que ça démarre vite, qu'il faut attaquer vite ces matchs. Généralement, pour les équipes, le premier match a été victoire et match nul. Et après, ça a été majoritairement des victoires. On a vu beaucoup d'envie, beaucoup de progression, parce que certains enfants ont entre 2-3 petits matchs, ont compris certaines consignes et les ont mis en application rapidement. Donc j'étais très satisfaite de ça. Donc pour une reprise, il y avait quand même du soleil. Donc voilà, c'est important aussi chez les petits. Et beaucoup d'envie, une belle attitude chez tous les enfants. Donc hâte pour le prochain plateau la semaine prochaine. Justement, vous parlez de la semaine prochaine. Donc quels seront vos objectifs? Quels sont vos objectifs maintenant pour le reste de la saison, pour cette deuxième partie de saison? Mes objectifs, ce sont de bien préparer les futurs U10, donc les U9 deuxième année qui sont avec moi pour la transition en foot à 8, qui est une transition importante. Et sachant que nous, on fait U7, U9, que pour les petits, qu'ils aient plus d'impact, plus de compréhension de jeu, plus de lecture du jeu, voilà. Après ça, voilà, un peu plus de progression et d'envie de leur part. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà pour les U9. Donc comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici, donc effectivement les U9, quand on commence le foot, donc on commence à 5, donc sur un quart de terrain de foot à peu près. Et effectivement après la transition entre U9 et U10, c'est un peu plus compliqué pour certains puisqu'on passe vraiment sur la moitié d'un terrain et là il y a un peu plus d'espace et on est un peu plus perdu. Donc effectivement là, comme l'a bien dit Nassira, on commence un peu à travailler avec eux le futur, donc la saison prochaine. Donc ensuite, Yousra. Donc deuxième match, c'était pour l'équipe 1 des U13 qui a eu une très large défaite face à l'équipe de l'Escale orléanaise. Victoire 12-4 pour l'équipe de l'Union portugaise. Donc on va écouter les différents intervenants, donc quelques joueurs et le coach Chaïd. Bonjour, je suis en compagnie du coach Chaïd, coach de l'équipe première des U13, donc très belle victoire aujourd'hui, même très large victoire, 12-4, vous ne pouvez pas espérer mieux aujourd'hui. Bonjour, c'était un bon match, on a joué, on a créé des occasions, on a profité, on n'a pas raté, même il y avait le travail de l'équipe, les joueurs ils étaient en confiance et c'est ça le résultat. Du coup, très bonne reprise et c'est de bon augure pour la suite de la deuxième partie de saison. Oui, c'est une très bonne suite. En plus, là, avant les dimanches derniers, on a joué. Avant les vacances, il y avait 3 victoires dans le match la Coupe. Et là, en championnat, c'est une victoire. C'est très bien. Ça nous remettre en confiance pour les prochains matchs. D'accord, on peut vous souhaiter de la réussite encore pour les prochains matchs. Merci coach. Donc bonjour, je suis en compagnie des joueurs de l'équipe 1 des U13, le défenseur Khaled et l'attaquant Evan. Donc très belle victoire aujourd'hui, 12-4. Oui. Quel est votre ressenti sur le match les enfants? Moi je trouve que c'était un beau match, ils ont bien joué et voilà, j'ai rien à rajouter. D'accord, c'est de bon augure pour la suite. Et toi, Ivan, qu'est-ce que tu as à dire? On a fait un bon match, on était coordonnés, sauf que l'équipe en face, ils ne se parlaient pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu nous tester, donc on a gagné. Sinon, on a fait un très bon match. Donc, très bon match et donc bonne reprise après les vacances? Ouais, très bonne reprise, c'est mon premier match depuis cette année. Depuis l'année 2022 et je suis en forme, donc je reviens plus détard que jamais. Bon, c'est très bien, bravo à vous les garçons. À plus tard. Merci. Donc voilà pour les U13. Donc les buteurs, il y en a pas mal. Donc j'ai 2 triplés de Nazim et Ivan. Ilyes et Siméon ont marqué tous les deux 2 buts. Mohamed a marqué un but et Sekou a marqué aussi un but. Donc bravo à eux. Bravo aux buteurs et aux joueurs aussi. Donc l'équipe U13 se retrouve encore qu'à la 7e place, donc sur 8, malheureusement un forfait qui nous a un peu plombé au niveau du classement. Mais bon, le championnat ne fait que reprendre, donc il y a encore beaucoup de matchs devant eux. Et donc on espère un meilleur classement à la fin de la saison. Ensuite, Yousra. Donc troisième match du week-end, c'était l'Union portugaise U15 qui se déplaçait à Ingré. Et encore une fois, une très belle victoire pour l'Union. 4-0. Donc on va écouter les différents intervenants. Donc avec le retour du coach Anthony qui s'était blessé gravement au genou et donc qui revient donc avec son équipe, qui a repris donc samedi avec son équipe. Alors je suis avec Steven, capitaine, et Mohamed, double buteur, après le match contre Ingré, donc victoire 4-0 de l'Union pour le deuxième match de championnat. Voilà, donc alors Steven, qu'est-ce que tu as pensé du match? C'était bien, on a bien joué, on a écouté les consignes, on s'est bien placé tout, et on a bien joué. Hein. On avait la niaque parce qu'on avait perdu face à Agen 6-1, mais on est revenu. Merci. Et maintenant, du coup, le double buteur qui est rentré à la mi-temps sur le score de 1-0 et qui plie le match avec deux buts coup sur coup. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ta deuxième mi-temps? C'était une bonne prestation de moi et toute l'équipe. Il y a eu des erreurs, mais quand même, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il y a des choses qui restent à améliorer et il y a des choses qui doivent rester pareilles. Parfait. Bonjour Anthony, belle victoire aujourd'hui pour nos U15. Qu'as-tu pensé de la prestation de ton équipe? Alors, je suis très satisfait du match de mes joueurs. Ils ont su être constants de la première à la 90e minute. Malgré une petite baisse de régime en début de deuxième mi-temps, on a su ne pas prendre de but, donc ça c'est très important. Je leur avais dit avant le début du match dans le vestiaire, les gars, si on ne prend pas de but, on ne peut pas perdre le match. Donc voilà, ça paraît tout bête, mais c'est très important. Voilà, on a su ne pas prendre de but et donc gagner ce match. Donc voilà, on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Pendant les 30 premières minutes, on a dû avoir pas loin de 10 frappes sans marquer. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais ensuite, on a Ralem qui ouvre le score d'une jolie frappe dans la lucarne. Donc ça débloque le match. Donc ça nous permet aussi de retourner au vestiaire avec un avantage d'un but. Donc c'est important. Ensuite, on subit, comme je l'ai dit, les 15 premières de la deuxième mi-temps. L'adversaire touche le poteau. Donc voilà, on a eu un peu de chance, j'ai envie de dire. Mais on a quand même été costaud. Voilà, on a très bien défendu. Et puis après le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps passé, on a su réélever notre niveau de jeu comme en première mi-temps. L'entrée de Mohamed a fait beaucoup de bien puisqu'il met le deuxième et le troisième but. Donc voilà, 3-0. Et ensuite c'est Issam qui vient clôturer le spectacle avec un quatrième but de la tête. Donc voilà, c'est un match plein et je suis vraiment fier de mes joueurs. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner le week-end prochain face à Brissy. Donc voilà pour les U15. Donc comme l'a dit le coach, on va rappeler les buteurs de la rencontre. Donc Ralem, un doublé pour Mohamed et un dernier but pour Issam. Donc comme l'ont bien dit les joueurs interviewés, donc ça leur a fait du bien cette victoire après la défaite de la semaine dernière. Donc on leur souhaite aussi de la réussite sur les prochains matchs. Ensuite Yousra. Donc l'équipe 2 des U13 se déplaçait à Boulay-Brissy-Gigi-FC. Et encore une fois, une très belle victoire, 4-2 pour l'Union. Donc l'équipe 2 qui était accompagnée samedi par Nassira, donc, qui est aussi la coach des U9, qui a accompagné les joueurs. Donc nous allons écouter leurs impressions. Donc, je suis avec Nassira, coach par intérim aujourd'hui de l'équipe 2 des U13. Tes impressions sur le match? Première mi-temps, 0-0. C'était une mi-temps d'observation, le temps que l'équipe se mette en place. Je connaissais pas forcément tous les joueurs. Donc on a dû faire des ajustements, donc on part avec 0-0. Deuxième mi-temps, on démarre fort. Je leur avais dit, parce qu'on avait beaucoup d'occasions, mais ils tiraient pas. Ben, ils ont tiré, donc on menait 2-0. Donc ça, c'était bien. Mais par contre, après, l'équipe de Gidi, la Boulay Gidi, elle a remis le pied sur le ballon. Ils ont marqué rapidement 2-1. Le 2-2, c'est malheureusement une erreur de notre gardien par intérim, Noah, qui a fait ce qu'il a pu, ça lui pas. Enfin, voilà, une erreur de. C'est un truc tout bête, donc il s'est trompé. Donc 2-2, là, ça commençait à être dur. Heureusement, on a marqué le but du 3-2 sur penalty. Après, on met le 4-2 juste avant la fin, et après, il n'y avait plus rien. Donc voilà, donc en tout cas, très belle attitude dans l'envie de tous les joueurs. Donc c'est ce qu'on retiendra surtout. Merci. Donc je suis avec Laurent, milieu centre de l'équipe 2 des U13. Laurent, qu'est-ce qui cette semaine a fait que vous avez réussi à gagner contrairement à la semaine dernière? Les entraînements, on a bossé, on a fait plus de passe, on a beaucoup plus tiré. Donc voilà pour les U13, donc l'équipe 2. Donc les buteurs pour l'équipe 2 des U13, donc c'était Fodé Moussa, Noah qui marque sur un penalty et un doublé d'Ilayel. Donc ensuite Yousra. Oui, donc cinquième match et dernier match pour les U13. Donc pour les, excusez-moi. Donc match de l'équipe 3 des U11. Donc cette fois-ci défaite 3-1 face à Main-sur-Loire. Donc on va écouter tout de suite les différents intervenants du match, donc un joueur et le coach. Donc je suis avec Amine, coach aujourd'hui de l'équipe 2 des U11. Défaite 3-1 à Main-sur-Loire. Qu'est-ce qui aujourd'hui explique selon toi la défaite et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochaines rencontres pour cette équipe ? Ce qui explique cette défaite aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de communication entre les joueurs, un manque de réalisme devant le but. On avait le match en main. Et malheureusement, devant le but, on n'y arrivait pas. Et comme on le sait dans le foot, quand on rate beaucoup devant le but, ça se finit toujours par se payer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le prochain match ? C'est que vraiment nos attaquants, ils finissent. Et ça, on va les faire travailler à l'entraînement. Raphaël, qu'est-ce qui aujourd'hui explique la défaite selon toi ? On n'a pas assez parlé. On ne faisait pas assez de passes. Donc je suis avec donc voilà pour les U11, l'équipe 2. Seul buteur pour l'Union portugaise donc sur l'équipe 2, c'était Youssef. Encore une fois, on le dit à chaque fois, c'est pas évident pour les enfants de répondre aux questions. Donc il y a des fois où on est obligé un peu de leur tirer les verres du nez. Mais dans l'ensemble, ils se prêtent comme tous au jeu et ils nous répondent quand même assez ouvertement et ils ont aussi leur propre opinion sur le match qui généralement n'est pas très différente de la nôtre puisqu'ils voient aussi ce qui se passe. Donc dernier match des U11, donc il y a l'équipe 3, oui, qui a eu une très belle victoire également, 7-2 face à Marseille. L'Union se déplace à Marseille, donc très belle victoire 7-2. Donc je suis avec Nuno, coach aujourd'hui avec Samantha de l'équipe 3 des U11. Victoire de nos joueurs, qu'est-ce qui selon toi explique cette victoire ? Déjà pour commencer, bonjour. Je trouve que le match n'était pas compliqué en soi. On a bien joué, des bons replis défensifs de la part de nos milieux de terrain. Un bon jeu en passe, surtout sur la deuxième mi-temps. Sur la première, on a eu des difficultés à trouver le but. Et on a mis 2, 3, et à partir de là, ça a enchaîné. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe 3 sur les prochains matchs ? On peut souhaiter de s'améliorer un peu sur les passes, sur le lever de la tête pour jouer en passe. Et surtout la finition, il faut l'améliorer. Merci Nuno. Autour de Ryan, buteur à 3 reprises sur cette rencontre. Qu'as-tu pensé de votre match aujourd'hui, Ryan ? Bien, on a bien joué, on a marqué beaucoup de buts. Est-ce que vous avez fait ce que les coachs ont demandé ? Oui. Ok, merci Ryan. Donc voilà pour les matchs donc à 8, les derniers matchs à 8 qui se sont déroulés samedi. On va faire une petite pause musicale et on reviendra ensuite avec donc les deux matchs U17, U19, puis les deux matchs des seniors de dimanche. Parece que a vida passou por nós, deixando um manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só, olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. direção queres tu? E eu tive uma visão que por este andar só vai trazer 100 anos de solidão. E de quem serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De quem serve uma canção se ninguém se quer cette petite pause musicale sur nos équipes en foot à 5 et en foot à 8, à part les U15 donc, qui avaient joué exceptionnellement le matin. Donc là, on va pouvoir passer ensuite au U17, donc nos U17 qui jouent à 11 et qui jouaient samedi en fin d'après-midi à Lillaro. Oui, donc l'équipe U17 qui recevait l'équipe de la Vallée de Loine. Donc victoire, très belle victoire encore une fois de l'Union, 4-1 pour nos U17. On va écouter les différents intervenants de ce match. Victoire 4-1 pour nos U17. Vos impressions sur le match? Oui, bonjour. Oui, en effet, victoire 4-1. Victoire plutôt aisée. On a su marquer quand il le fallait, à des endroits stratégiques, lors de nos moments forts. Donc, bravo à Emmanuel pour son triplé. Bravo à Mohamed pour son coup franc. Et bravo à l'ensemble de l'équipe pour cette belle prestation, une prestation solide malgré le pénalty encaissé, mais vraiment assez solide et avec quand même pas mal de jeux envoyés. Donc résultat plutôt satisfaisant. Donc autour d'Emmanuel, buteur à 3 reprises sur ce match. Emmanuel, qu'as-tu pensé du match? Franchement, on a fait une bonne prestation individuellement et collectivement et on essaie de ne pas s'arrêter là et de donner le meilleur de nous. Et vos objectifs pour cette saison? De finir dans le haut du classement. Donc voilà pour les U17. Donc comme l'a dit le coach, les buteurs sur cette rencontre, donc le triplé d'Emmanuel, donc notre interviewé du jour, et un but sur coup franc pour Mohamed. Donc à ce jour, nos U17 sont 4e du classement, donc avec 2 matchs joués. Un bon résultat pour eux. On espère qu'ils vont maintenir le cap et rester sur cette lancée positive. Donc ensuite, le match qui se jouait juste après, donc à 20h à Lillaro. Oui, donc l'équipe U19 recevait à Lillaro l'équipe de Boulay-Brissy-Gidi. Donc victoire 2-0 pour le U19. Bonjour Xavier. 0-0 à la mi-temps avec vos U19. Match équilibré entre vos deux équipes. Qu'est-ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps et qui vous a permis d'enchaîner une deuxième victoire consécutive? Ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps, c'est tout simplement qu'on a su mettre nos occasions au fond. On a su être plus efficace offensivement. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça que on a pu prendre cet avantage et breaker, surtout ce qui était important, breaker. Parce que on pouvait toujours être sur la menace de l'adversaire. Donc voilà pour les U19. Donc après ce match, donc leur troisième match de cette deuxième phase, nos U19 sont deuxième du classement, à égalité de points avec Mandoré qui est en tête donc du classement. Le seul buteur de la rencontre, Sheldon, qui a mis aussi un doublé. Donc on a eu pas mal samedi, on a eu pas mal de doublés, de triplés. C'est bien les garçons, on continue comme ça. On va juste faire une autre petite pause musicale juste avant d'aborder les deux derniers matchs du week-end. Donc les deux matchs de nos équipes seniors. Ça sera mitigé, une victoire et une défaite. Donc vous en saurez un peu plus juste après la petite pause musicale. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe. Sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison. Yeah. say the chord. Donc vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% Union, tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union portugaise, c'est ici, le lundi de 18h à 19h. Avant cette petite pause musicale, nous avions abordé les différents résultats pour nos équipes jeunes, donc de U9 à U19. On va aborder maintenant les matchs d'hier pour nos équipes seniors. Oui, donc pour l'équipe 2 des seniors qui a accueilli à Lillaroux l'équipe de Schiller. Très belle victoire une fois de plus pour l'Union 4-0 face à Schiller. Donc je suis avec Jérémy, coach de la réserve, qui sort aujourd'hui victorieuse 4-0 de son match. Jérémy, qu'as-tu pensé du match aujourd'hui ? Très très content, retrouver une équipe qui a pu construire et a créé beaucoup d'occasions. 4-0, ravi de cette victoire. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé les attaquants qui manquaient ou c'est pas encore ça ? C'est pas encore ça, mais on a changé de schéma tactique. Maintenant on joue en 4-4-2. J'ai essayé de mettre un peu plus d'offensif, mais même si c'est pas leur poste, mais au moins ils se sont bien battus et créés des actions. Et la victoire est bien méritée et je renouvelle le fait d'être très très content. Ok, merci et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Alors, autour de Jesse, double buteur sur cette rencontre. Jesse, tes impressions sur ce match, toi qui reviens de blessure ? Match maîtrisé de notre part. Équipe forte, solide. On a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin, avec une très bonne entente, un très bon match de notre part, et puis on la gagne au bout du match. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter collectivement et puis plus personnellement, toi, individuellement, pour le reste de la saison ? Individuellement, j'espère continuer à marquer, continuer à planter comme je l'ai fait aujourd'hui. Et collectivement, on espère réussir, continuer sur notre lancée là, pour nos prochains matchs à venir. Ok, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà pour l'équipe de des seniors, donc avec en buteur donc Jesse qui met un doublé et Georges aussi qui inscrit un doublé hier pour ce match face à Schiller. L'équipe 2 se retrouve donc en deuxième place du classement, à 2 points du premier qui est Patay. On est encore, comme le disait le coach la semaine dernière, on espère encore la montée et on se rapproche petit à petit de la première place. Donc en continuant comme ça, on espère que l'objectif que s'était tracé le coach en début de saison soit vraiment acquis à la fin. Donc dernier match ensuite, Yousra hier. Et match très important parce que c'était un derby. Malheureusement, une défaite malgré un match très disputé. Donc défaite 4-3 pour l'équipe de l'Union portugaise qui n'a pas démérité hier. Donc je suis avec David, coach des seniors. Défaite aujourd'hui 4-3 face au Deportivo. Défaite amère. Ouais, elle ne peut être que amère. Hein. C'était un derby. Il fallait gagner ce match-là. On l'a bien entamé en menant 2-0 rapidement. Malheureusement, on a raté le break, enfin le 3-0. Ils reviennent. Que dire malheureusement de l'arbitrage qu'on a eu. Je pense qu'à un moment donné, c'était un peu trop jeune pour arbitrer un derby. Il était dépassé. Des décisions difficiles à avaler, il y a beaucoup d'injustice, mais bon, après, même à la fin, on vient à 4-4, ils nous annulent le but, tant pis, ça arrive. Est-ce que ça vous met un coup d'arrêt dans vos ambitions pour éventuellement recoller au haut du tableau, ou vous n'en sortez que plus motivé, essayer de faire mieux sur les prochains matchs ? Oh bah oui, là, ça va être compliqué de recoller le haut du tableau, il fallait gagner ce match-là justement pour recoller à ce haut tableau. Donc là, on va prendre match par match et on verra comment la saison va se terminer. Merci David. Donc je suis avec Nicolas, défenseur pour l'Union portugaise. Tes impressions, toi, sur ce match, défaite 4-3 face au Deportivo ? C'est compliqué parce que le premier mi-temps, on doit minimum mettre le troisième but, nous mettre à l'abri. Après, ça revient... à 2-1, 2-2, après il y a beaucoup de têtes dehors d'arbitrage, ça a beaucoup gueulé, autour. Enfin, surtout autour. Et puis, sur le terrain, c'était très, très chaud, très tendu. Il n'y a pas eu d'embrouille, mais bon, c'est quand même dommage de finir un match comme ça. Ça marche pas assez. Donc, voilà pour le petit résumé là, de ce match des seniors. Donc hier, donc effectivement, oui, voilà, une défaite 4-3 dans ce derby. Donc, les buteurs pour l'Union, un doublé d'Amadi, encore un doublé, et le troisième but inscrit par Zakaria. Donc, on leur souhaite de se remettre assez vite de cette défaite, même si effectivement c'est peut-être un peu difficile vis-à-vis du contenu du match, mais bon, ils vont se remettre et puis on sera toujours derrière eux pour les soutenir. Sabe de ti, sem saber onde vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago de ti, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora. Porque amanhã é sempre tarde. Sei como foi, andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou. A vida é curva, não uma linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Tanto La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Et oui, donc la vie est belle sur Arc-en-Ciel. Vous êtes bien sûr 100% Union. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union, c'est ici, le lundi, de 18h à 19h. Donc les petites infos d'ordre général pour notre association. Donc comme d'habitude, le siège est ouvert du mardi au dimanche. On est au 232 Faubourg Saint-Vincent, pardon. Donc vous avez possibilité de vous arrêter, dire bonjour au président qui est avec nous la semaine dernière, possibilité de boire un café ou une autre boisson, participer à des jeux de cartes si ça peut vous intéresser. Donc il y a toujours quelques retraités, et pas que des retraités d'ailleurs, sur place pour vous initier si vous ne savez pas y jouer, évidemment, ou si vous voulez prendre part à leur partie. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, ils vous accueilleront à bras ouverts. Toujours au siège, donc le week-end, le président fait toujours ses grillades, donc les poulets sur commande. Donc vous pouvez lui passer un petit coup de fil le week-end si vous avez un peu la flemme de faire à manger, n'hésitez pas, appelez-le et vous pouvez passer récupérer votre commande. Une autre info aussi, donc l'Union portugaise recrute un service civique. Donc possibilité, si quelqu'un est intéressé, donc vous avez toutes les infos sur le Facebook de l'Union portugaise d'Orléans. Donc en gros, ça serait pour nous aider donc ici avec l'émission 100% Union, donc tout ce qui est reportage autour des terrains, et venir avec nous le lundi à la radio, mais aussi la participation à la recherche de nouveaux partenaires, parce qu'évidemment on a toujours besoin de partenaires. Et puis après, assister un peu l'équipe dirigeante de l'Union portugaise. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander plus d'informations, donc soit directement au coach, si vous avez possibilité de vous déplacer sur l'île Aro, puisqu'ils sauront vous renseigner, ou alors après, comme je vous l'ai dit, sur le Facebook, vous trouverez toutes les infos. Et nous avons depuis quelques jours un compte Instagram aussi, donc Union portugaise d'Orléans, donc vous avez possibilité de suivre toutes les infos, donc notamment les résumés des matchs et les photos qu'on ne peut pas évidemment diffuser à la radio, mais vous avez toutes les photos dispo sur le site, sur le Facebook et aussi sur le site de l'Union portugaise. Donc on en avait déjà parlé quand on avait reçu aussi Samantha et Nassira, donc qui sont avec moi coach U11. Donc notre projet de fin d'année, ça sera un tournoi à la mer. Donc on partirait en Vendée un long week-end de 3 jours. Donc nous sommes à la recherche de partenaires qui seraient intéressés pour financer une partie du voyage afin de soulager un peu les parents. Donc si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des gens intéressés, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On va passer Yousra aux anniversaires de cette semaine. Oui, donc aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Dieu Merci, un joueur de l'équipe U11. Demain, nous fêterons l'anniversaire de Marwan, un joueur de l'équipe U19. Quant à ce mercredi, ça sera au tour de Salim de fêter son anniversaire, un joueur de l'équipe senior. Le 5 mars, nous fêterons l'anniversaire de Patrice, un joueur U19. Et le 6 mars, nous fêterons l'anniversaire de Théo, un joueur U19 également. Par la bench à tous. Voilà, donc joyeux anniversaire à tous, plus particulièrement à Dieu Merci, donc le joueur U11, donc qui est joueur dans la catégorie que j'entraîne, qui s'est d'ailleurs fait un petit bobo samedi au match. Donc j'espère que ça va mieux lui de son côté. Ensuite, on va juste aborder aussi donc les matchs de la semaine à venir. Donc je dis la semaine et pas le week-end, puisqu'on est un peu comme les pros, hein, à une semaine avec 2 matchs. Donc on aura match jeudi pour nos équipes, notre équipe senior. Donc où sera? Oui, donc l'équipe senior aura un match de coupe de district, donc face à l'Escale orléanaise, et le match aura lieu à l'île Aro pour l'Union portugaise. Donc voilà, c'est un match à 19h30, donc juste à la fin des entraînements des jeunes. Donc évidemment, les parents, si vous voulez rester un peu, encourager nos seniors, et on sait que la dernière fois, les enfants qui étaient restés avec nous y avaient pris pas mal de plaisir à les regarder, à les encourager. Donc si, si les parents qui nous écoutent veulent bien rester et assister un peu au match, n'hésitez pas, ça fera plaisir à nos joueurs. Donc ensuite, on aura, donc c'est le seul match de la semaine, évidemment. Et ensuite, on reprend dès samedi 5 mars. Oui, avec l'équipe U13, l'équipe 1 des U13 qui recevra l'équipe de qui ira jouer, excusez-moi, à Artenay-Chevilly à 14h. Et ensuite, à 11h ce samedi, nous aurons l'équipe 3 des U11 qui recevra Darvois US. Donc ensuite à 12h30, l'équipe 2 des U11 recevra à l'Union portugaise recevra à Lilaro l'équipe de l'Entente de Bôle. Ensuite l'équipe 1 des U11 à 12h30 également recevra l'équipe de Marigny US à Lilaro. Donc en gros, trois matchs de U11 à domicile, donc ça va un peu s'enchaîner, ça va un peu s'enchaîner à Lillaro, donc samedi, avec ces trois matchs U11. Ensuite, l'équipe 1 des U13 recevra à Lillaro l'équipe d'Olivet USM à 14h. L'équipe U19 se déplacera ce mois pour y jouer à 15h. L'équipe U15 recevra à Lilaro l'équipe de Boulay-Brissy-Gigy à 16h, toujours ce samedi 5 mars. Et quant à dimanche, l'équipe 2 des seniors se déplacera à l'Entente La Ferté-Marcilly à 15h. Donc l'équipe 1 des seniors sera de repos ce dimanche. Donc bon, ça tombe bien vu qu'ils ont match jeudi. Et reprise après pour du championnat dès la semaine suivante. On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare. Un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents. On prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs. Fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, destination ailleurs, destination ailleurs. On peut faire une pause dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. Yeah. destination. Aïe. Donc 100% Union, on est sur la fin de l'émission. Juste avant de quitter cette émission, on a aussi une petite info. Donc pendant les vacances, les prochaines vacances d'avril, on organisera un stage donc pour les catégories U11 et U13, la première semaine des vacances, donc du 11 au 16 avril, donc au programme du foot, mais pas que. Donc pour ceux qui ont déjà participé, ils savent déjà. Donc c'est pas mal de séances d'entraînement tout au long de la semaine. Et puis après, on a quelques sorties, donc notamment le bowling, du laser game, et entre autres. Donc voilà, pour ceux qui auraient besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à vous rapprocher des éducateurs. Et donc après, pareil, il y aura un bulletin d'inscription. Donc les places sont limitées. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître auprès des éducateurs. Donc on en profite aussi pour saluer donc tous nos auditeurs, supporters ou non de l'Union portugaise. Oui, donc merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On sait qu'on est écouté pas que sur Orléans, mais un peu partout, plus particulièrement à Toulouse. Donc merci à tous et toutes. Donc voilà, donc c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci encore Yousra d'être là avec nous et de donner aussi, enfin, de prendre aussi du temps le week-end pour interviewer nos joueurs autour des terrains. À tous nos auditeurs, n'hésitez pas à venir nous encourager nos jeunes et nos moins jeunes joueurs sur leurs matchs respectifs du week-end. Donc comme on vous l'a dit, vous aurez tout le programme des week-ends qui sera sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les horaires des matchs, n'hésitez pas à aller voir sur le Facebook. Vous aurez toutes ces informations, donc notamment les horaires et les lieux de rencontres. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Donc pour nos joueurs, entraînement les mardis et jeudis. N'oubliez pas jeudi le match de coupe pour nos seniors. Et puis à bientôt et à la semaine prochaine sur 100% Union. Je suis patient et plutôt obstiné.